Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Fête du sport, une série documentaire de Juliette Boutillier réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a ce cours de pilates qu'on a trop séché, les jours cuisants où l'on est celle qui fait perdre son équipe et l'esprit de compétition qui peut aussi être un terrible poison. Alors pour commencer, les personnages. Un chercheur extra-lucide, un fils prodige dégoûté, une chercheuse féministe, une passionnée de roller derby, une sportive éblouissante et un spécialiste du dopage. Ensuite, le décor. Des souvenirs de défaites, les survettes et les super baskets, des coupes qui prennent la poussière, une enfance sportive, la pression, l'amour, la misogynie, des tests répugnants, la triche, la solitude et l'exigence. Aujourd'hui, troisième épisode, on est perdu. On y va pour voir. 2. On le fait 10 fois. 3. Tournez la tête de part et d'autre en regardant par-dessus l'épaule. Alors attends, parce que là juste j'ai pas envie de me perdre. Parce que là, du coup, j'ai pris une autre route. Aïe, aïe, aïe. Ah non, non, non, non. Il passe pas, lui. Hein. C'est drôle. Avec sa Picasso, là. Mon père, il me disait toujours... Il me tapait sur la jambe et me disait... Demande les tennis. Les tennis. Alors, on ouvrait la fenêtre. Et il y avait toujours une dame qui passait. Moi, je détestais ça. Parler à des inconnus. Les tennis, s'il vous plaît. Les tennis. Puis tout le monde s'en foutait parce que c'était dans des coins paumés. Donc à chaque fois, ils disaient « Ah, le stade là-bas, là !» Ouais, ouais. Alors ils nous donnaient ça, puis on se perdait dans le village. Ah, ça, c'était drôle. T'étais devant ou derrière ? Ah bah oui, toujours devant. Bah, de toute façon, on partait à deux, donc ça aurait été absurde d'aller derrière. On préparait les sandwichs avant de partir ou on mangeait sur place. Parfois c'était au bord de la mer, on allait manger au bord de la mer. On visitait toute la côte normande parce qu'il y a la côte du côté de Dieppe. On aimait bien faire tous les tournois de là-bas. Toutes les plages, Belleville, je les connais. Parce qu'en plus on visitait des endroits. Quand il y avait un musée, un truc, on allait le voir. Ça c'était très, très joyeux quoi. Ah, pardon madame, excusez-moi. Linz, le 3 octobre 1762. Nous sommes toujours à Linz. Wolfgang a eu l'honneur de se produire devant sa grâce princière, mais pas ma fille. Et il a reçu à cette occasion un ducat entier. Nous habitons chez un certain Kiener et sommes très bien servis. Par ailleurs, mes enfants font l'étonnement de tous ceux qui les voient, surtout mon fils, Wolfgang. Les enfants sont bien gais et se sentent partout comme chez eux. Mon fils se familiarise avec tout le monde, en particulier avec les officiers, comme s'il les connaissait depuis toujours. Léopold de Mozart. Les dérives du sport se déclinent entre rose clair et gris sombre, en passant par le noir. Au départ, je voulais juste mettre en lumière l'aspect sombre du sport avec la parole d'un critique dont une partie de sa vision désenchantée s'exprime à travers notre ultime échange de courriel. Pour moi, dit-il, et tout le prouve aujourd'hui, le sport est une mafia prédatrice alliée de toutes les dictatures sanguinaires. Chine, Russie, Qatar, etc. Une entreprise de crétinisation des masses par le spectacle ininterrompu des myophiles abrutis. Un opium du peuple puissant qui maintient les populations en état d'asservissement idéologique constant. Et, last but not least, une industrie de la destruction de la nature. JO 2024 en tête de gondole. Il n'y a pas de valeur sportive. Le sport est une idéologie totalitaire qui véhicule seulement des antivaleurs. Celle de la compétition de tous contre tous, de l'égoïsme carnassier, du culte des rois et reines, de la jungle corporelle, de la hiérarchie fanatique, de la discrimination corporelle, de la fascination pour le fric et de la compromission avec les pires régimes politiques de la planète. Pour finir, la violence de la compétition sera évoquée à travers l'expérience intime de trois personnes. Celle d'Étienne, qui avant de devenir l'adulte se souvenant de son enfance, était un enfant virtuose, prodige du tennis, un garçon destiné à devenir un grand champion, avant qu'une blessure ne mette fin au voyage et renvoie les trophées d'après les matchs dans l'ombre des placards. Le sport et les incidences sombres de la compétition. Le corps blessé, exclu ou dopé. Il s'est passé beaucoup de silence, mais aussi beaucoup de mots échangés dans cette voiture. Des moments difficiles. Au retour des défaites, par exemple, quand j'avais perdu et que je m'étais pas forcément bien comporté ou que j'avais mal joué. Ou quoi. Mon père voulait un petit peu tirer profit du voyage pour comprendre, pour analyser. Et moi qui étais à la place du mort, en fait, à ce moment-là, et qui venait peut-être de perdre ou quoi, j'avais pas envie de. J'avais peut-être pas envie de parler, en fait, parce qu'il essayait de me sortir un peu les vers du nez. Parce que pour lui, c'était un gros investissement, ça coûtait beaucoup d'argent, ça coûtait du temps. Il prenait sur son temps libre, il m'amenait parfois à 500 km, 300 km. Du coup, on essayait de parler, quoi. On essayait de parler, et puis. Mais il y avait beaucoup d'amour, en fait. Hein. Mon père était très important parce que c'était la seule personne qui. Quand on est en détresse sur le terrain, qu'on a l'impression qu'on va se faire bouffer, etc., on cherche des solutions. La seule solution qu'il y a, c'est le père qui est là, en fait. Et qui te soutient de son regard et qui te dit je suis là et tu vas t'en sortir, etc. Donc moi je m'en suis aidé en fait, enfin, c'était un appui très très important. Voilà, là on entre dans le club. Là. On arrive dans le club, toujours la même entrée. Ici j'ai deux souvenirs, j'ai le souvenir de quand j'avais 13 ans, sport-études. Et quand j'avais 8 ans, mes premiers titres de champion. Et je l'ai vu, mon copain Guillaume, effondré d'avoir perdu. Le visage dans la manche. Je me suis dit, ah bah, il y en a un, moi je suis content, mes parents sont contents, je suis victorieux aujourd'hui. Alors ça a été un baptême, je pense, de l'esprit sportif, en fait, ce que ça voulait dire. Alors après, on s'est rejoué plusieurs fois. Et plusieurs fois, il m'a battu, je l'ai rebattu, il m'a rebattu. Donc bon, ça s'est rejoué. Mais l'émotion première, elle était là, en fait. Et lui, d'ailleurs, il a arrêté vers l'âge de 11-12 ans. De lui-même, il a plus de goût à ça et il a arrêté de faire de la compétition. Moi, j'ai arrêté à 20 ans. Sur une blessure au genou à 20 ans, mais j'étais à Paris. Pendant la convalescence, j'ai réfléchi, j'ai beaucoup lu, etc. Et j'ai décidé de ne pas reprendre. Personne. C'est incroyable comme lieu. C'est un lieu assez clos. Ça fait à peu près 20 mètres de large. En fait, j'ai du mal à me rappeler des chiffres en fait à chaque fois. Parce que c'est tellement émotionnel pour moi, si tu veux. Je mesure pas en mètres en fait. Là, c'est la ligne là. Tu peux faire là une course pour aller chercher la balle au ras du filet, donc tu fais peut-être 10 mètres où tu cours comme un malade pour aller la chercher. Et puis tu as gagné ou tu as perdu le point et tu reviens à chaque fois ici, ici, ici. Tu rejoues des points, tu vas là, tu reviens, tu repars, tu rejoues, tu repars, tu reviens. Tu as perdu un point, tu es ruiné émotionnellement parce que c'était un point important, mais il faut repartir à zéro, point d'après, et essayer d'oublier ce que tu viens de vivre. dans l'instant. Paris, le 1er février 1764. Maintenant, quatre sonates de M. Wolfgang Mozart sont chez le graveur. Imaginez-vous le bruit que feront les sonates lorsque l'on verra sur la page de titre que c'est l'œuvre d'un enfant de 7 ans et que les incrédules seront invités à venir faire eux-mêmes la vérification. Ça, c'est le banc, tu vois, on s'assoit. Vous entendrez en son temps combien ces sonates sont bonnes. Il y a un andante d'un goût tout particulier. Il n'y a que toi. Mes parents n'ont pas le droit de s'asseoir à côté de toi. Donc tu viens là, t'as tes raquettes, t'as ta bouteille d'eau, t'as tes barres de céréales, t'as ta banane, tout ce que tu veux, tu t'assois là. Et moi, mon père, il me disait toujours « Bois, bois, hydrate-toi, hydrate-toi !» Il me faisait des signes parce que t'as pas le droit de parler. Ça voulait dire « Reste concentré !» Parce que moi, je regardais à côté. Je regardais les nanas qui me regardaient, je regardais le terrain d'à côté. J'aimais bien un peu faire le beau, etc. Donc mon père me disait toujours « Reste concentré, ton match, reste !» sur une scène, sauf que tu t'en rends pas compte parce que tu joues pas un rôle, tu joues ta partie avec tes armes, etc. Mais il y a une partie, t'es pas vraiment toi-même, quoi. C'est-à-dire que tu joues aussi un rôle de compétiteur, quoi, de vouloir gagner. C'est un rôle en soi parce que est-ce que moi j'étais comme ça fondamentalement ? C'est pas sûr. J'étais sensible aussi. Mon gamin, mon pote, moi j'aurais bien aimé le regarder, lui dire bon ça va, lui parler, tu vois. Lui dire ça va, me dit t'as pas l'air bien, ou oh, il est beau ton short, ou j'en sais rien, tu vois. J'aurais aimé lui dire ça. Mais tu peux pas. T'es dans un cadre, machin, truc, c'est ton adversaire, tu dois le battre, quoi. T'es pas là pour faire pote avec lui, quoi. C'est là, on y est là, c'est ici. Vous êtes tout petit, bah, vous êtes deux petits garçons. Et donc là, c'est Guillaume. C'est ton père qui a... Oui, c'est mon père qui a rédigé, tu vois, finale championnat de Seine-Maritime. Étienne Corroy, 5-3-5-0. Ce qui est marrant, c'est qu'il met Étienne Corroy. Ah oui. Mais c'est toi, bah c'est oui. T'es son fils. Oui, mais je suis dans le rôle d'Étienne Corroy, le champion de Seine-Maritime, quoi. Et là y a après, il y a la presse, quoi. Il a collé ton papier. Ah, il a collé. Ah, bah, il a tout collé. Vraiment, ah, oui, oui. Détails. Ah, bah, oui, tout. Là, la liste des convocations, les dessins d'enfants. C'est le récit, en fait, de toutes ces compétitions. Et des cahiers comme ça, t'en as beaucoup ? Oui, j'en ai 20. Il me disait toujours, moi, je suis pas ton entraîneur, je fais les photos, je suis le reporter, quoi. Abonnement. Ça, c'est ce que j'ai gagné en fait. J'ai gagné un abonnement à Tennis Magazine où il y avait les champions de l'époque. Et donc, moi, j'essayais de me projeter en me disant bon, bah, je vais devenir comme ça. Et donc, je vois un Bruguera, Sagui Bruguera, qui souffre mais qui en même temps prend plaisir aussi, en short. Et moi, c'est ça, je me disais ah, c'est des adultes qui sont en short et en. J'aimais beaucoup les marques. Takini, Nike, Adidas. Donc voilà, donc pour moi c'était ça, c'était ce que j'allais devenir, quoi. C'est-à-dire des joueurs qui font rêver, quoi. Il est là, Bruguera, tu vois. Forcément, ouais. Je me suis souvent demandé, ouais, à quoi je pensais quand je regardais ça, quoi. Ça c'est le tome 1. Ça c'est tome 1. C'est à 2 ans là. 2 ans, tu jouais déjà ? Ouais, et là, c'était lui mon premier entraîneur, mon premier professeur. Voilà, bon, bah après, puis après, bah, c'est les matchs, toujours en voyage. Ça, c'est un dessin que j'ai fait en juin 93, c'est la veille de la finale. J'avais fait dessiner Djoubri, et là, c'est moi. Beaucoup plus petit que. Bizarrement, oui, c'est fou. Là, les parents, donc Julien, mon frère, papa, Daniel Petit, c'était mon premier entraîneur qui était le mari de ma nourrice. Et ça, c'est Eric et Thierry Gueux, c'est les entraîneurs, les cadres du comité, quoi, les entraîneurs qui regardent, ils ont toujours les bras croisés derrière le dos. C'était le jour de la fête des pères, tu vois, bonne fête, papa. Et finalement, j'ai joué contre lui et j'ai pris une raclée et j'avais mes Reebok Pump que je venais d'acheter la veille, qui gonflait, on gonflait la semelle. Et ça, j'en ai rêvé la nuit, parce que les Reebok Punch, je pensais que ça, quand on gonflait la semelle, ça allait me faire voler, en fait, que je pourrais courir d'un endroit à l'autre. Bon, bref, il m'a mis 5-1, 5-0, et on voit, regarde ma tête, là. Oh, oui. Ah, je suis défait, là. T'as l'air très triste. Ah, bah là, j'ai la langue là qui rentre dans la bouche, et puis il s'appelait Geoffroy le Thaïlandais, il était monstrueux. Voilà, il y a même le médaille, t-shirt, sac, porte-clés. Ça, c'est ce qu'on m'a donné, ce que j'ai gagné. Moi, je le prends comme un héritage aussi, même si pendant un temps, ça m'a paru un peu difficile à gérer par rapport à ma mémoire, en fait. C'est-à-dire d'avoir mes propres souvenirs en me disant c'est comme ça que ça s'est passé, c'est ça qui s'est passé. Mais ça dit pas l'état d'esprit, les sentiments du moment, l'ambiguïté. Et donc, mon souci, c'était que ça existe, mais que ça ne soit pas la seule version, en fait, de cette enfance. Vers 20 ans, j'étais un peu dans le mal-être, etc. Et je lui ai ressorti les cahiers. Et puis bon, chez moi, j'ai une centaine de coupes dont je savais pas quoi faire, qui étaient empilées dans ma chambre d'enfant, dans laquelle il avait fait une étagère. Et j'ai dit, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je les donne? Est-ce que je les jette, etc. Et puis, bah, au bout d'un moment, en parlant de trophées, il m'a dit, ouais, on en a peut-être trop fait. Mais que c'est une histoire, une passion avec beaucoup de malentendus, mais une histoire d'amour, quoi. Avec ses chronomètres, ses records, ses trophées, la compétition s'apparente à une longue histoire personnelle, une course faite d'entraînement, d'efforts répétés, de violence sur soi. Sur ce parcours, l'on rencontre beaucoup de corps surentraînés, blessés, rapprochés trop tôt ou sortis trop tard du terrain. Si les sorties de scène sont parfois douloureuses, les entrées de certains corps y sont aussi délicates. Comme celle des femmes éloignées des starting blocks et des stades pendant trop longtemps. C'est sur cette histoire des corps féminins en mouvement qu'Anaïs Bohuon s'est penchée, en mettant en perspective la catégorisation, la norme et autres formes d'hiérarchisation. Il n'y a pas de définition universelle de ce qu'est le sport. Chacun a son rapport au sport. Il y a deux maximes de Pierre de Coubertin qui nous marquent. L'important, c'est de participer. On est dans une finalité de sport inclusif où tout le monde a sa chance, tout le monde peut pratiquer, tout le monde peut mettre potentiellement son corps en mouvement. Et l'autre, qui va complètement à l'encontre de l'important, c'est de participer, situs altius fortius. Et donc, quand on s'intéresse au sport, il faut savoir quel est très tôt et très vite notre rapport au sport. Il y a eu une vidéo que j'ai trouvée géniale de deux frères triathlètes. Ils sont en passe de remporter la course, mais il y a un troisième homme. Ils se disputent tous les trois la meilleure place. Le frère s'effondre à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Il a un geste exceptionnel, l'autre frère. Il aurait pu continuer pour essayer d'avoir la première place. Il cède, si vous voulez, la première place au troisième homme parce qu'il aide son frère, il le relève et ils franchissent la ligne d'arrivée ensemble. C'est quelque chose qui est très beau, mais on voit bien l'appréhension qu'il a derrière et ce qu'il pense du sport. Moi, j'aime énormément ma petite sœur, mais si on fait cette course, bon, ma petite sœur s'effondre, tant pis, je la laisse s'effondrer, je franchis la ligne d'arrivée et je viens la récupérer après. Et donc ça, c'est vraiment une dimension importante qu'il faut prendre en compte quand on parle de sport, de quel sport parle-t-on ? Eh bien, rien en vérité n'empêche la femme en bonne santé de faire du sport, au contraire. Il évitera cependant, peut-être plus encore que l'homme, les exercices violents et la trop grande fatigue. Son absence est une source de maladie souvent sous-estimée, mais cet exercice physique doit être pratiqué raisonnablement, régulièrement, sans à-coups, et bien plus dans un esprit de détente et d'agrément, je tiens à le souligner, que dans un esprit de compétition. Je suis une athlète ratée. C'est-à-dire que les 18 premières années de ma vie ont été consacrées au sport, notamment à l'athlétisme, aux 800 mètres. Puis après aussi à l'heptathlon. Et il se trouve que je n'ai malheureusement jamais excellé. Et j'ai très vite compris que le sport, c'est le seul domaine, encore aujourd'hui, où les femmes concourent d'un côté et les hommes de l'autre. On pourrait s'interroger sur cette question de la non-mixité, qui est souvent remise en cause d'ailleurs. Il faut savoir que ce qui fait la beauté du sport, et pourquoi on regarde, c'est qu'il y a cette part d'incertitude du résultat, et surtout aussi ce qu'appelait Christian Pociello l'effet Carpentier. C'est qu'on a toujours, malgré tout, au fond de nous, envie que le petit, celui qui est inconnu, celui qui a moins de chances de gagner sur le papier, puisse potentiellement créer la surprise et nous surprendre et gagner. Et donc, ça va donner ce côté euphorisant et absolument incroyable du sport. Pour respecter ce principe d'incertitude du résultat, les instances dirigeantes sportives ont catégorisé, dans une logique donc d'incertitude de résultat, mais aussi d'égalité et d'équité. Et maintenant, ladies and gentlemen, les Nasty Pécheresses de Montreuil représentent le 9 cube à base de pop. Nous avons la 007, Marie Chantal, la numéro 2, Jackie Pop, la numéro 72, Cheval Sauvage. Il y a une dimension très importante qu'on a tendance à oublier, c'est que la gymnastique est une discipline militaire, inventée et faite par les hommes et pour les hommes. Progressivement, il y a eu les sports modernes qui sont apparus et c'est à nouveau une discipline faite et inventée par les hommes et pour les hommes. Et à partir de ce moment-là, il a toujours été difficile pour les femmes d'intégrer une discipline qui a été créée par et pour les hommes. Elles en ont été ouvertement et officiellement exclues. Sauf que à la fin du 19e, début 20e, en France, il y a eu la tuberculose, l'alcoolisme, la sédentarité. Et beaucoup de médecins pensaient que si on mettait en mouvement les corps des femmes, les qualités et les caractéristiques physiques acquises grâce à l'exercice physique pourraient être transmises aux générations futures. Mais, une injonction paradoxale très forte, la crainte que ces corps des femmes mises en mouvement ne deviennent trop dangereusement des morphotypes masculins, qu'elles mettent en danger leurs organes reproducteurs et surtout aussi qu'elles ne se virilisent pas trop et ne deviennent pas des lesbiennes. Alors on va quand même poser la question car c'est important. Public adoré, y a-t-il des gens parmi vous qui ne connaissent pas les règles du roller derby? Levez le doigt. Ça va être plus facile. Oh, et donc c'est un très beau passage en intérieur qui permet de prendre le premier lead de la partie. Focalise-toi sur une couleur. Ah oui, et oui, ça c'était beau. Cookie est passé. Les bloqueuses rouges, à la fois elles vont chercher à empêcher la jameuse noire de passer, mais si elles voient que leur jameuse à elle est en difficulté, elles peuvent laisser ce qu'elles sont en train de faire et aller du coup impacter les bloqueuses noires pour faire en sorte de créer un boulevard à leur jameuse à elle pour qu'elle puisse passer. Allez, les C'est très engageant. Moi, ça me prend au trip quand je suis en train d'arbitrer un match. Je suis pas une patineuse de folie, mais j'arrive à faire des choses pendant que j'arbitre que j'aurais jamais fait en exercice. De la même façon qu'on dit que les femmes ont toujours travaillé, il faut savoir que les femmes ont toujours fait du sport. Sauf qu'elles ont dû s'organiser de manière officieuse, puisque les instances dirigeantes sportives les excluaient de certaines disciplines, notamment et surtout les disciplines dites de tradition masculine. Mais elles vont s'organiser. Et donc, sous l'impulsion d'Alice Mia, elles vont organiser leur propre fédération. Et donc, Alice Mia va parvenir, pour la première fois en 1928, aux Jeux Olympiques d'Amsterdam, à avoir le droit, pour les femmes, de pratiquer des disciplines athlétiques. Elles ont droit de faire du 100 mètres, du 200 mètres, du 100 en hauteur, du 800 mètres. Mais la discipline, si vous voulez, du 800 mètres, c'est vraiment très difficile parce que c'est entre le sprint, le demi-fond, etc. C'est vraiment très difficile. Et elles vont arriver logiquement marquées par l'effort, en sueur et fatiguées par le record mondial qui vient d'être établi. Au lieu de louer cet exploit, les journalistes vont crier au scandale. Les médecins vont crier au scandale et vont être choqués de voir des femmes en sueur, des femmes logiquement marquées par l'effort et des femmes qui finalement font une pratique et accèdent à une pratique dite très violente et très ingrate. Et suite à cela, pendant 32 ans, elles n'auront plus le droit de concourir sur une discipline plus longue de 200 mètres au sein des Jeux Olympiques jusqu'aux Jeux Olympiques de Rome en 1960. 2 points supplémentaires, 10 points marqués par les Nasties, on remonte 128 à 151. Défense réduite de moitié du côté de rouge. Oh là là, les Nasties qui partent tout blindes. Et Queen of the Sausage. C'était mon surnom quand j'étais petite, mon père m'appelait Grande Saucisse, parce que je suis une grande nana un peu maigrichonne. J'étais déjà comme ça quand j'étais petite. Moi, je faisais pas du tout de sport, j'en avais pas fait depuis très très longtemps. Et là, je suis arrivée au premier entraînement de l'année en septembre. Et j'ai vu 40 nanas dans un gymnase, toutes avec des corps hyper différents. Il y avait des grandes, il y avait des petites, il y avait des grosses, il y avait des maigrichonnes. Et j'ai trouvé ça absolument formidable. Enfin, ça a été vraiment un coup de foudre. Ça avait l'air très, très joyeux et très bienveillant. Et surtout, ce truc qui se voit tout de suite. Il n'y a pas d'impératif, il n'y a pas de norme de corps à atteindre et à avoir pour jouer. J'ai trouvé ça très très rassurant. Le coach de l'époque, pour nous souhaiter la bienvenue aux nouvelles, nous disait voilà, il y a deux obligations pour être dans l'équipe. C'est que vous faites le renforcement musculaire du mercredi, pas pour avoir un corps d'athlète, mais pour ne pas trop se blesser, pour mieux tomber parce qu'on se gagne plus du coup quand on est un peu musclé. Et vous venez boire des bières après l'entraînement. Mon petit nom de derby, mon derby name, c'est Cheval Sauvage. Ça vient du film de Dirty Dancing, hein, tout simplement. Voilà. On s'en fout. En fait, on s'en fout de notre apparence corporelle, de notre physique. On a tout quelque chose à apporter à l'équipe. C'est complètement décalé. C'est décalé parce que ça peut être un peu violent. C'est un sport de contact. C'est pas là où forcément on attend une femme, en fait. Mais en fait, c'est aussi un sport où on va au bout de soi-même, où on peut prouver que femme, homme, c'est pas le sujet non plus, finalement. C'est juste qu'on fait ce qu'on a envie de faire. Et je pense que c'est la différence que ce sport peut avoir avec d'autres. C'est que comme on se préoccupe pas du physique, on va pas se préoccuper de savoir si les coups sont trop forts ou pas. On sait que c'est le jeu, on va les prendre et on va en donner et on se pose pas de questions. Enfin, en tout cas, maintenant, on s'en pose plus. En fait, ce qui est perturbant au début, c'est pas tant de prendre le coup, c'est de le donner et d'avoir peur de faire mal et de voir ça, parce que souvent on s'entraîne ensemble hein, pour commencer, et de voir sa coéquipière par terre et avoir un peu de mal à se relever, c'est ça qui est un peu impressionnant au départ. Et en fait, on s'excuse beaucoup. Je suis désolée, pardon de t'avoir fait mal. Et en fait, on apprend après à plus le faire parce que c'est le jeu. Et tout ce que nous ont dit les anciennes quand on est arrivé, les vieilles, c'est important en entraînement de donner des coups comme en match, parce que sinon on n'apprend pas en fait à recevoir les coups. Attention, c'est chaud, patate, 128 à 151. C'est pas arrêté, c'est l'endroit où je fréquente des gens que j'aurais jamais fréquenté en temps normal. Où tu vas avoir des gens qui font des thèses en biomécanique hyper compliquées. À côté de ça, tu vas avoir des gens qui sont au chômage. Tu vas avoir des gens qui sont célibataires, qui sont mariés, qui sont avec toute leur famille, qui sont dans des looks très différents. Vraiment, tu regardes autour de toi. Là, tu prends deux exemples. Speaker qui est en tutu. Tu prends l'un des track doctors là, qui répare le truc. Il a les cheveux qui sont quatre fois plus longs que les miens. Mais si t'as envie de crier, tu cries. Si t'as envie d'encourager, t'encourages. Si t'es une fille et que tu siffles avec tes doigts, personne va te regarder de traviole. C'est quand même chouette, quoi. Moi, j'adore le fait que ce soit un sport de contact. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. J'avais essayé à un moment donné, quand j'ai voulu me remettre au sport, de faire de la boxe. Mais j'avais envie d'un sport de contact. Et c'est évidemment du coup ce qui m'a plu dans ce sport. Mais l'idée du sport au départ, c'était des nanas qui inventent un sport de contact pour les nanas. C'est-à-dire que du coup, c'était la version, c'est pas la version féminine d'un autre sport de contact, c'était un sport de contact inventé par des nanas pour des nanas. Donc c'est pas de la boxe féminine, ou c'est pas du. Voilà. c'est du roller derby. Et si jamais des mecs voulaient s'y mettre, bah voilà, maintenant ils sont bien obligés de dire on fait du roller derby masculin. Chasse perchée versus la bourlingue. Chaque lead compte, chaque prise compte, chaque hit compte. C'est une chasse perchée. Que vous me disiez, est-ce que pour les femmes c'est un sport facile et est-ce qu'on reproche quelquefois aux femmes sportives, vous le savez bien, de manquer de féminité? Est-ce que vous êtes de cet avis? Bah, c'est pas à moi de le dire. Mais si, enfin, quand je dis que je suis judoka, personne ne veut le croire et on dit que pour une fois, on voit une jeune fille qui n'a pas l'air d'être un fort déal. Le professeur Picmal avait l'habitude de dire que ça pouvait être très bon quand on allait au marché et qu'on glissait sur une feuille de chou parce qu'on savait tomber et on risquait pas de se faire mal. Alors peut-être que c'est une application pratique possible. Dès les années 20, les années 30, on va voir fleurir dans les médias, dans les journaux, dans les thèses de médecine, des critiques sur les corps de ces femmes. On va leur reprocher d'être trop poilues, trop musclées, trop viriles, avoir une voix trop rauque. Et on va soupçonner ces femmes qui, quelque part, sont en train d'exceller, d'être des hommes. Au mieux, d'être ce qu'ils appellent à l'époque des femmes non authentiques, au pire, des hommes. Et ils vont mettre en place, pour la première fois en 1966, ce qu'ils ont appelé des contrôles de sexe. Ils vont se dire, comment peut-on s'assurer que ce sont bien des vraies femmes, je mets bien entre guillemets, autorisées à concourir dans la catégorie dite dame. Donc, les femmes vont passer devant trois experts gynécologues, nus, et vont devoir montrer leurs organes génitaux. Mais les médecins ne vont pas se contenter de regarder les organes génitaux des femmes. Ils vont évaluer leur capacité respiratoire et leur puissance musculaire à l'aide d'un spiromètre et d'un dynamomètre. Et donc, si vous voulez, ils vont rechercher à ce que ces femmes qui sont testées aient une capacité respiratoire et une puissance musculaire qui doivent rester en deçà de celles estimées masculines. Ces tests vont être jugés beaucoup trop humiliants, vont être critiqués par le monde sportif lui-même, par les athlètes, par des médecins. Donc, ils vont supprimer ces tests. Et dans les années 68... pour la première fois aux Jeux Olympiques de Mexico et de Grenoble, le Comité international olympique, mais d'autres fédérations internationales, vont continuer à maintenir ces contrôles de sexe, en partant du principe cette fois-ci qu'ils n'allaient plus regarder le sexe apparent et la capacité respiratoire et la puissance musculaire, mais les chromosomes des femmes, si vous voulez, et s'assurer que les femmes disposent bien d'un deuxième X pour définir ce qu'est une femme. Et là, le monde du sport va découvrir ce qu'on appelle l'intersexuation. Et que certaines femmes peuvent être XXY, XY, etc., etc. Ils vont être très embêtés. Donc ils vont supprimer le test de corpuscule de Barre. Et là, ils vont se dire, qu'est-ce qui ne fait pas la femme? C'est le chromosome Y. Donc, ils vont essayer de faire ressortir le chromosome Y avec le test PCR-SRY. Et ça ne va pas marcher. Il faut savoir quand même que le monde du sport est très divisé. Hein. Beaucoup de médecins du sport, beaucoup d'endocrinologues, de généticiens ont estimé ces tests non éthiques, non scientifiques, les ont dénoncés, etc. Le monde du sport n'est pas un ensemble et un bulldozer qui avance contre tout ça. Et donc la Fédération internationale d'athlétisme va décider que ce test est non éthique, jugé illégal et surtout peu fiable. Donc du coup, ils ont été supprimés. Sauf que ce soit la Fédération internationale d'athlétisme et d'autres fédérations, se réservent le droit, en cas de doute, de faire passer des tests médicaux. Et du coup, on est arrivé au cas très médiatique de Caster Semenya en 2009. Ouais, ça va vite. Hein. Ouais, ouais, ça va très très vite sur ce 800 mètres, peut-être de gêner. Ouais. 58. Caster Semenya essaye de déborder, mais c'est dur, Caster passe maintenant. Caster Semenya qui va être championne du monde. Attention au chrono, il va être faramineux ce chrono. Ouh là là là. Et oui, il est tout près du record du monde. Caster Semenya, c'est une jeune athlète sud-africaine qui a 18 ans à l'époque et qui remporte à Berlin, donc au championnat du monde d'athlétisme, le 800 mètres avec une aisance et une facilité juste incroyables. Je me souviendrai toute ma vie de cette course, j'étais en tant qu'ancienne athlète complètement subjuguée et fascinée. Elle gagne le 800 mètres en 1 minute 55 secondes et 45 centièmes. Et très vite, on lui reproche son bassin trop étroit. Un médecin sur Europe 1, le lendemain de sa victoire, dit « Vous voyez bien que ça ne peut pas être une femme, elle porte un bermuda alors que ses concurrentes portent un cyclisme. » On lui reproche sa coiffure, qu'on estime trop masculine, on lui reproche sa pilosité, on lui reproche son manque de sein, on lui reproche sa voix rauque. Et donc très vite, sa victoire et ses médailles sont remises en cause. Semenya takes it, 50.42 in her first brilliant run for the South African. I heard one that you born a man. What do you have to say about stuff like that? I have no idea about that thing because I haven't heard that thing. Who said it? And I don't know. I don't give a damn about it. Suite à l'histoire de Caster Semenya, va sortir pour la première fois en 2011 un règlement sur l'hyperandrogynisme féminin. Ils disent que une athlète qui concourt dans la catégorie dame, si elle produit des taux de testostérone au-delà du seuil de 10 nanomol par litre de sang de testostérone, elle n'est plus autorisée à concourir et elle doit soit être invitée à concourir dans la catégorie des hommes ou alors prendre des médicaments pour abaisser ses taux hormonaux et donc être à nouveau autorisée à concourir. Ce qui est d'une violence incommensurable. C'est-à-dire qu'on a en présence de nous une athlète exceptionnelle qui excelle, mais qui court en 1 minute 55 secondes et 45 centièmes. Pourquoi je tiens à préciser son record ? Caster Semenya, avec ce temps, elle ne remet absolument pas en cause cette fameuse incertitude du résultat et cette catégorisation au fondement, on l'a vu, du sport de haut niveau. Les hommes, en 800 mètres, à ce niveau-là, concourent en 1 minute 40, les meilleurs, 1 minute 41. Sur 800 mètres, c'est énorme, 15 secondes. Avec un tel temps, elle ne serait même pas qualifiée au championnat de France masculin. Et ensuite, la vraie problématique, c'est qu'on veut réguler un avantage naturel, parce que ça, on a tendance à l'oublier, il y a beaucoup d'amalgames et de confusions qui sont faits. Caster Semenya ne triche pas. Caster Semenya n'est pas dopée. Sa production de testostérone n'est pas artificielle. C'est une production de testostérone naturelle. Il est très difficile de parvenir à prouver que c'est le seul taux de testostérone de Semenya qui lui permet d'exceller. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible d'isoler une caractéristique physique de tout le reste, alors d'un point de vue physiologique, mais aussi social, historique, économique, environnemental. C'est un ensemble indissociable pour expliquer la performance physique. Je me dis souvent, parce que je vois beaucoup d'athlètes femmes qui sont contre Caster Semenya, et donc du coup je me dis souvent, comment tu réagirais si tu étais dans les starts avec Caster Semenya ? Et je crois que je peux le comprendre. Je serai peut-être la première à me dire « c'est pas juste ». C'est pas juste parce qu'elle est plus forte, elle remporte tout, elle nous met 2 secondes, 3 secondes sur 800 mètres, ce qui est énorme, et on n'a aucune chance. Et donc du coup, on va concourir pour la deuxième place. Et je me dirais « c'est pas juste ». Et j'aurais peut-être envie effectivement qu'on régule ses performances. Sauf que, avec le recul, je suis une sportive ratée. J'ai pas eu les avantages physiques et physiologiques estimés et peut-être toutes ces composantes qui m'ont permis d'accéder au haut niveau. Et donc c'est très dangereux. Mais alors, à partir de ce moment-là, on pourrait inviter tous les athlètes masculins, tennismen, à porter plainte contre Nadal, Federer et Djokovic, ou alors à tous les athlètes masculins à l'époque du Usain Bolt, dire que c'est pas juste. On sait très bien que ces athlètes, quand ils concourent contre ces athlètes exceptionnels, s'ils sont deuxièmes, ils sont contents, disons-le comme ça, arrêtons l'hypocrisie. Mais pourquoi ça ne peut pas être le cas dans la catégorie femme ? Ce qui est très choquant et qu'on n'entend pas assez aussi, c'est que les corps des femmes et les corps des hommes produisent ces deux hormones dites sexuées. Les corps des femmes produisent de la testostérone et des œstrogènes. Les corps des hommes produisent de la testostérone et des œstrogènes. Et pour finir, on est en présence de variations quantitatives. C'est-à-dire que parfois, il y a plus de différence de production de testostérone entre deux hommes qu'entre un homme et une femme. Et l'on sait que l'intensité d'un entraînement peut avoir un impact et une influence sur la production de la testostérone. Donc vous voyez bien toutes les dimensions qu'il faut prendre en compte et à quel point c'est dérangeant. Caster Semenya, elle aussi à son tour, a décidé, suite à ce règlement, de porter plainte auprès du tribunal arbitral du sport pour discrimination et refuser de devoir prendre des médicaments pour abaisser ses taux hormonaux. Demander à un corps sain de prendre des médicaments, c'est gravissime. Et on sait que les conséquences peuvent être un désastre sur ces corps des femmes. Ils disent dans leur sentence qu'ils veulent préserver l'intégrité des athlètes femmes. Mais demander de prendre des médicaments pour abîmer un corps sain, ben ça me renvoie à toutes les mutilations que les enfants et personnes intersexes dénoncent. Arrêtons de vouloir normaliser ces corps et de les mutiler et de les abîmer. Parce que là, c'est vraiment de ça dont il est question. Le tac est fixé entre les virages 1 et 2. Chaque perché qui arrive à toute vitesse. Chaque passage marquant peut être un lead change. Et elle colle. Je dirais que plus qu'un exutoire, j'ai l'impression de ressentir mon corps et de me le réapproprier en... Alors ça paraît un peu masochiste, mais c'est peut-être ça au fond, je sais pas. Un peu dans la violence, quoi. Et je trouve ça super précieux. Et je pense que je reçois au quotidien, comme toutes les femmes d'ailleurs, beaucoup de violences extérieures, mais qui sont plus souvent verbales. Et que là, par contre, c'est moi qui la maîtrise, cette violence. Moi, c'est vrai que le roller derby m'a attiré tout de suite parce qu'il y a un esprit de sororité. Et c'est vrai qu'en tant que personne trans, l'accessibilité, que ce soit au monde du travail, au monde du sport, est très compliqué. Et c'est vrai qu'ici, ça se fait naturellement, même ne serait-ce qu'il n'y a pas de contrôle antidopage par rapport à la testo. Et c'est vrai que la testo ne fait pas qu'on va être un bon joueur de roller derby ou pas. Et si jamais il y a un acte transphobe, que ce soit par la parole ou par des actes violents, cette personne elle sera tout de suite virée du gymnase. Et enfin, il y aura vraiment une entraide, pas comme dans la société en fait, où finalement on se retrouve très vite seul. Et du coup, c'est apaisant et ça permet de pouvoir prendre aussi des initiatives et prendre des postes où on ne sentirait pas légitime de le faire à l'extérieur, dans d'autres domaines. Ça permet de prendre confiance en soi, en plus d'apprendre à donner des coups et d'en recevoir. Du coup, ça permet de prendre confiance en soi, même quand on marche dans la rue. On est contente de gagner, mais quand on perd, on va pas faire la gueule et chialer, quoi. Juste, on est là et on s'amuse et on fait la teuf après. Enfin, nous, c'est surtout un amusement, en tout cas. Et après, on a des objectifs, des fois. Je sais pas, c'est juste, t'es là avec tes potes, tu gagnes, tu te prends une branlée, tu t'en fous. T'es bien, quoi. T'es content, tu t'es dépensé, t'as fait du sport, t'as été des gens, c'est rigolo. On veut surtout faire quelque chose dont on est fier, en fait. Que ça soit joli, qu'on soit ensemble, ouais. Que personne ne se sente abandonné sur le jeu, qu'on soit vraiment fier de ce qu'on fait. Conserver le collectif jusqu'au bout, conserver le mental jusqu'au bout. Là, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Conserver une très bonne attitude, le respect de l'adversaire, des coéquipières, des arbitres. C'est pas parce qu'on se fout sur la gueule pendant une heure et demie qu'on se déteste, en fait. C'est juste que bah, c'est le sport, quoi. Et plus tu te tapes, plus tu te respectes. Et c'est bien, quoi. Bien souvent, le sportif, pour entrer dans la performance et pour devenir le meilleur compétiteur, celui qui gagne, va chercher à améliorer les qualités physiques de son geste. Personne milite pour être dans les etc. Pour être dernier. Il va chercher le raccourci. Ou dans le ventre mou des compétitions. Tout le monde, pour se valoriser, en rentrant chez soi, dire « j'étais dernier, j'ai perdu ». Non, personne n'est d'accord. Tout le monde veut pouvoir se valoriser. Et à partir de là, eh bien, le dopage est arrivé tout de suite, tout le monde. Ça a commencé dans les courses hippiques, sur les chevaux, parce que ça ne dérangeait pas vraiment les entraîneurs de doper les chevaux. Quand les compétitions humaines sont apparues, eh bien, les soigneurs des chevaux sont passés dans les enceintes sportives humaines. L'athlète peut donc se doper et, au début du siècle, avoir recours à l'atropine, la belladone, la strychnine, l'opium, la morphine, puis à la caféine, aux anabolisants, à l'érythropoïétine, à la génétique. Bref, un tas de produits qui facilitent la performance. Plus on va vers le haut niveau, plus on est astreint à des quantités d'entraînement exagérées. Et à partir de là, le corps, il n'a pas été fait au départ pour subir de telles agressions. Et donc, inévitablement, il va falloir prendre des produits dans un premier temps pour compenser toutes les exigences de cette pratique intensive. Et au fil du temps, comme on n'a pas la sanction immédiate, donc on va continuer dans cette dérive, et puis on va s'apercevoir quelques années plus tard que le corps souffre de ces abus. Les substances apparaissent sur une liste de surveillance et la subtilité consiste à passer à travers les contrôles. Alors, substance indécelable, borderline, substance thérapeutique interdite jusqu'à un certain seuil, substance masquante, dopage de récupération avec perfusion pour les joueurs de tennis, dopage transformé en cure, l'athlète est bien dopé mais négatif. C'est pour ça qu'on nous dit toujours, et donc le dopage prochain, qu'est-ce que ça sera ? Ben, ce sera toujours le même. C'est-à-dire, le dilemme, c'est prendre un produit efficace, indécelable, ou pas facile à déceler. Voilà, c'est ça le dilemme. Donc, qu'est-ce qui améliore le mieux le rendement du corps ? Eh bien, c'est le transport de l'oxygène. Donc, tout ce qui va améliorer le transport de l'oxygène, eh bien, va être utilisé. Si le PO et les EPO de première génération sont décelés, eh bien, on passe à d'autres EPO indécelables, puisque le laboratoire les décèle, on passe à une autre, etc. Donc, on est toujours dans ce système de transport d'oxygène. Et malheureusement, le premier qui se fait épingler, il prend pour tous les autres, puisque les autres sont avertis. Donc, il change de tactique. Voilà l'histoire. Donc, c'est l'injustice totale. Et cette injustice, elle favorise la triche, vous ne pouvez pas savoir à quel point. La triche consiste à ne pas se faire prendre ou à prendre un raccourci pour atténuer l'inégalité et la glorieuse incertitude du résultat, même si le corps en souffre et parfois en meurt. Je suis persuadé que l'activité physique, en tout cas, est indispensable au corps pour qu'il fonctionne bien et le plus longtemps possible. Le sport peut également y contribuer, mais il faut qu'à ce moment-là, il soit vraiment régulier. Le rugby, il y a des décès de façon anormale. Et depuis 115 ans, on nous raconte, quand il y a un mort, il y en a plusieurs par an, quand il y a un mort, on nous sort, c'est la fatalité. Oui, parce que ça arrange tout le monde, et on passe à autre chose. C'est comme les affaires de dopage. Tom Simpson, un Anglais, meurt sur les pentes du Ventoux. On trouve dans son maillot, dans ses viscères, lors de l'autopsie, des amphétamines. Et 8 jours après, il y a un contrôle à Revel. Et on trouve les mêmes produits chez 2 autres coureurs. Donc, la connaissance d'un risque ne modifie pas le comportement des gens. Des tannées, quoi. Ça, c'est à Roland-Garros, une bonne victoire que j'ai eue en championnat de France. Tac, tac, tac, tac, tac. Ça, c'est avec mon frère, toujours. Bon, ça, c'est... Il n'y a que des beaux mecs, là. Ah, celle-là, et puis, il n'y a que des stars, en plus. Là, t'as Gasquet, Mahut, Paul-Henri Mathieu, mon fils. Puis là, moi, je suis là. T'es où, là? T'es là? Ouais. Mais bon, c'est un malentendu. Enfin bon, j'étais dans leur club à Paris, mais j'étais remplaçant de l'équipe en fait là. Donc j'étais content d'être dans les vestiaires, torse nu, en disant j'ai gagné, mais en fait j'étais pas vraiment dans l'équipe quoi. À ce moment-là, j'étais déjà en train d'arrêter de jouer. J'étais blessé au genou. Enfin, il y a une grande mélancolie dans cette photo parce que c'est comme si j'aurais pu faire partie de ces gens-là, je fais comme si je fais partie d'eux, mais en fait, j'y suis pas, quoi. Je pense que les gens, il y a des destins similaires dans la danse, dans la musique, dans des choses qui sont très exigeantes et qui demandent une maturité précoce, comme les petits Mozart, etc. Peut-être que dans 20 ans, en fait, je serais beaucoup plus apaisé, là, c'est quand même assez proche, et j'en serais peut-être beaucoup plus heureux d'avoir vécu ça. Mais aujourd'hui, face aux enfants que tu as, c'est ça qui m'intrigue aussi. Ah. Ah bah, je les emmerde pas avec la compétition, ça c'est sûr. Mon exigence, c'est qu'ils repartent avec le sourire. Et ils parlent, en fait, pendant le cours. Ça, c'est une des choses. Ça me dérange pas même qu'ils parlent en jouant. Alors, ça fait un peu parfois foire. Je pense que on peut à la fois jouer et parler, en fait. Les deux ne s'annulent pas. Peut-être que moi, le fait d'avoir été seul avec un enseignant pendant des heures et des heures fait que ce qui me manquait, c'était de parler peut-être avec d'autres jeunes, etc., de ce que je faisais. Donc déjà, il n'y a pas ça. Et puis, il se marre, il rigole. C'est ludique, il y a de l'humour. Moi, je suis très attaché à l'humour, et surtout dans mes cours de tennis. Il y a des cours de tennis, on se tape le cul par terre, les enfants sont morts de rire, les parents aussi, moi aussi. Donc moi, je fais le contrepoint total de ce que j'ai vécu. Et j'étais persuadé que sur un tour de tennis, on pouvait rigoler, on pouvait faire de la poésie. Et c'était un peu mon défi pendant dans ce club pendant 4 ans. Quoi. C'est ce que j'ai fait pendant 4 ans. Mais dans le cadre... Donc le problème, c'est bien la compétition, en fait. Je sais pas, c'est comme... Elle est inhérente, la compétition, elle est tout le temps là, en fait. Ce que je veux dire, c'est que même dans des cours où, par exemple, je ne les mets pas les uns contre les autres, spontanément, en fait, les gens, ne serait-ce que pour avoir plus d'attention, etc., elle est là. C'est comme tu dirais la séduction, par exemple. Moi, je les mets souvent en parallèle. La séduction, t'as beau dire « Ah, c'est mal », mais elle est là. Ça fait partie de la vie humaine, et dès que t'es face à quelqu'un, il peut se jouer une séduction. Et la compétition, c'est pareil. C'est-à-dire que même si tu veux à tout prix l'annuler, etc., elle est encore là. Donc moi, j'aime bien faire ce parallèle, en fait, avec la séduction, parce que je trouve que, déjà, ils peuvent se marier, mais on peut les comparer, et puis... Elle fait partie de la vie. Dès la naissance, il y a une compétition entre les enfants, il y a une compétition... Il y a une lutte pour la vie, quoi. Après, c'est peut-être le regard des adultes, comment les adultes mettent en scène la compétition. Il y a quelque chose qui peut être un peu choquant ou un peu dérangeant, parce qu'effectivement, les enfants sont eux-mêmes un peu instrumentalisés dans des logiques de pouvoir qui, en fait, sont des logiques d'adultes. Si l'adulte il dit la compétition c'est important, l'enfant va penser. Si l'adulte il dit la coopération c'est important, l'enfant va aimer la coopération. C'est pour ça que c'est très ambigu, quoi. Après, le tennis c'est un sport solitaire, donc de toute façon t'es tout seul, et en même temps t'es porté par l'amour des autres, et voilà, tout ce que tu fais, tu le fais pas pour toi, en fait. C'est peut-être ça le... Il y a un don de soi qui est dément dans l'effort, et qui peut être très beau, qui peut être aussi difficile, mais qui est très beau, en fait, je pense. Enfin, moi, je le trouve assez beau dans tous les cas. Enfin, après, c'est peut-être plus si ça t'aide à trouver qui tu es, en fait. Tu peux aller à fond dans l'exigence dans quelque chose, mais que c'est quelque chose qui est au plus près de toi. C'est positif. Le sport et les incidences sombres de la compétition. Le corps blessé, exclu ou dopé. Avec Étienne Corroy, Anaïs Beauon, le docteur de Mondenard et les Nasty Pécheresses, Queen of the Sausage, Cheval Sauvage, Jasmin, Dirty Sanchez et Joe Sakic. Merci à Patrick Bauche et Laure Meunier. Documentation, Annelise Signoret, Antoine Villoz et Véronique Le Faller. Prise de son, Olivia Branger, Claire Levasseur. Mixage, Pierrick Charles. Coordination, Marie-Vonna Bolivier et Perrine Kervran. Une émission de Juliette Boutillier, réalisée par Annabelle Broir. LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour nous réécouter dans la dernière ligne droite, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonna Bolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs, et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, 4e épisode, le foot en bas de chez soi. Mais en attendant, restez à l'écoute.